Bonsoir, donc comme je vous disais, vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Il est effectivement 21h20 et c'est effectivement le début de l'émission Nuisance. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Et qui se pose une question ce soir. Mais pourquoi donc? Pourquoi donc? Oui, tout à fait, oui, c'est la question qu'on se pose ce soir dans Nuisance. On va se demander pourquoi donc? Et pourquoi pas, après tout? Oui, finalement, après tout, pourquoi pas? Et donc on va se demander pourquoi donc? Pourquoi pas? Et pourquoi? Ouais, la grande question, pourquoi? Pourquoi? Oui, et c'est ça qu'on fait dans Nuisance, on se pose des questions. Parce que dans Nuisance, vous voyez... Alors comme j'étais en train de me dire, on va leur passer de la bonne et grande et belle musique, je me suis dit tiens, ouais par hasard, comme ça, je me suis dit tiens, on va leur passer de la grande et belle musique. Tu sais quoi ce soir dans Nuisance? C'est de la grande et belle musique, de la grande et belle musique, ouais. Et donc on va commencer par une session de piano d'un grand et bel artiste, un bon artiste, je veux dire. L'artiste, eh ben, on s'en fout qui c'est, t'sais. Et au passage, eh ben, on s'en fiche. Et donc, ce qui est bien, par contre, avec l'artiste, eh ben, l'artiste, il fait du piano, tu vois. Donc, le piano, ça fait quoi? Ça fait ça. Attends, je te monte un peu le volume, tu vois. Ça, c'est du piano. Ça, c'est de la grande et belle musique, tu vois. Et là, je coupe. Parce que la grande et belle musique, finalement, dans le Nuisance, on n'en a rien à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est de la... Comment dire? C'est de la... Confiture de poireaux, ouais, ça existe. La confiture de poireaux ou même de béchamel cru, ouais, on aime ça dans Nuisance. On aime même les anchois. On apprécie effectivement les tomates et également du basilic, un peu de pesto. Et on aime surtout comment dire, la fange ou la fange ou le guano. Dans Nuisance, on aime le guano. Et le guano, ça se bouffe avec des chauves-souris mexicaines. Et les chauves-souris mexicaines, elles se retrouvent au Guatemala, complètement défoncées à l'alcool légal en France. Et pas autre part, non. Parce que l'alcool, c'est interdit ailleurs. Alors, quand je parlais d'alcool, je voulais dire guano de chauve-souris. Et quand je disais guano de chauve-souris, je voulais dire interdit ailleurs. Donc finalement, ça donne la phrase, eh oui, l'interdit ailleurs est interdit ailleurs, je sais. Et donc, comme dans Nuisance, on écoute de la grande et belle musique, eh bien, on va vous casser les oreilles avec de la merde ce soir. Merde, c'est pas un mot interdit en France. Pas encore, en tout cas. Et donc, je le dis, on écoute ici, dans Nuisance, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, de la merde. Du caca. On écoute et on fait du caca. Oui, du caca, oui. Oui. Oui, pourquoi? Vous avez un problème avec le caca? Avec votre caca peut-être. Oui, je comprends. Avec le caca des autres aussi, ça c'est normal. Mais avec votre caca, vous avez un problème. Vous êtes un peu bizarre quand même. Hein? Je vous l'avoue, j'ai pas de problème avec mon caca. Ni le caca des autres d'ailleurs, mais ça encore c'est exceptionnel. Mais on va dire que c'est normal que vous ayez un problème avec le caca des autres. Mais votre caca quand même, quoi. Pourquoi vous avez un problème avec votre caca? C'est du caca. Merde. Putain, mais... Sacrebleu, quoi. Fichtre Dieu, tu sais. Sacrebleu, ouais. Sacrebleu, ouais. Et donc, quand on parlait de caca, on voulait dire fiente. Parce que fiente, finalement, c'est comme ventripotent. Ventripotent, c'est pas marrant. Ça fait pervers. Et la perniciosité, on en parle rarement sur la radio française libre. La perniciosité, mais on n'en a rien à foutre, nous. On est des capitalistes. Nous, ce qu'on veut, c'est du blé, n'est-ce pas, en France? Vive la France, Zig. Et quand je dis Zig, je faisais référence à effectivement mes origines allemandes. Oui, je suis un peu allemand. Oui, effectivement. Vous pouvez vérifier si vous voulez. Et donc, étant un peu allemand, je vous dis, allez vous faire foutre. Vous, Français de merde, vous faites que de la merde. Mais vous êtes vraiment con, vous êtes hypocrite, vous avez perdu la guerre, vous êtes des merdes. Mais faites face à l'évidence. Vous avez perdu la guerre. Oui, le général de Gaulle vous a menti. La guerre était perdue d'avance pour la France. Je sais, c'est incroyable. Alan Turing a sauvé la guerre. C'était un PD, au fait. Alan Turing, un PD. Il a sauvé la France. Un PD. T'imagines un pédéraste sauver la France. Je sais, c'est incroyable. Incroyable. Et il est mort, il s'est suicidé, ouais, parce qu'ils l'ont fait chier, en Angleterre, alors parce qu'il était PD, ouais. Je sais, ouais, c'est dégueulasse. Donc en parlant de ça, on va parler d'autre chose. On va parler de lamentation, ouais. Je trouve ça lamentable qu'on s'exprime sur cette planète. C'est lamentable. C'est lamentable qu'on puisse dire ce qu'on pense dans cette planète de merde. Les gens culent. Oui, effectivement, oui. Bah, comme si pédéraste, c'est un mot acceptable, je vois pas pourquoi enculé serait pas un mot acceptable après avant 22h. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Non, parce que vous ne pouvez pas m'entendre. Car vous êtes hirsute et onomatopée en même temps. Je sais, c'est dégueulasse, mais allez vous faire foutre. J'en ai plus rien à foutre. Canal Sud n'est pas responsable de mes actes. Mes actes sont celui, ou ceux plutôt, celle d'un mec foutu d'avance. En parlant foutu d'avance, vous avez vu les infos à la télé? Parce que pas moi, j'en ai rien à foutre des infos à la télé. Ouais, carrément, les capitalistes qui aillent se faire foutre. Puisque j'en suis là, mes amendes impayées, hein? Hein? Et puis merde, mes impôts, c'est la même chose. Tout ça, c'est pour faire la guerre. Alors non, niette, niette, vous m'entendez? Oh mon Dieu, on ne comprend plus rien. Mon Dieu, oh mon Zeus, mon grand Zeus avec sa grosse bite, sa grande verge en or. Vas-y, prends-moi, verge en or. Prends mon cœur, mon âme, prends tout, mais surtout pas mon bonheur. Atrophiée vers le soleil et brûle, brûle. La terre brûle. Comme vous, vous brûlez en enfer. Bande de sagouins. Nous sommes tous des sagouins en enfer. Et ici, c'est l'enfer. Maintenant, c'est l'enfer. L'enfer, ça brûle les sagouins. Ça y est, on y est. C'est bientôt la fin des sagouins. Vive les sagouins. Espèce de sale sagouin, mon père m'a dit un jour. Mon père m'a dit un jour, et ma mère aussi d'ailleurs, ils m'ont dit, tu n'es que sagouin, sagouinitude. Et moi je leur ai répondu, mais ferme ta gueule fils de pute. Ils n'ont pas apprécié. Je me suis toujours demandé pourquoi, je sais pas, c'est peut-être mon intonation, quand j'ai dit fils de pute, peut-être qu'ils ont pris ça pour une agression, je sais pas. Peut-être que vous pouvez m'expliquer en appelant au 05 61 53 36 95, je ne répéterai pas le numéro de téléphone. en vérité, je n'en ai rien à foutre de mes vieux, qu'ils aillent se faire mettre profondément avec un bâton, ardument, crûment, brutement, non poli, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc justement, je parlais de mes parents, que j'aime tellement pas. C'est pas ça le propos de Nuisance. Le propos de Nuisance, c'est que la France, c'est de la merde. Non, c'est pas vrai. C'est pas le propos de Nuisance. Nuisance, c'est l'émission qui nuit au sens. Donc le sens n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est l'intonation. Je vais en mettre une belle intonation, là. L'intonation, c'est ce qui importe. L'intonation. Le propos, effectivement, qu'importe le propos, c'est ce que j'essaie de vous dire. Mais m'écoutez-vous vraiment, vraiment, profondément, démentiellement, connement, je veux dire, m'écoutez-vous? Eh bien non, vous n'en avez rien à foutre. Donc justement, parlons-en du foutre, puisque vous en avez tellement à n'en rien faire. Donc je parlais du foutre. Et donc pendant ce temps, la Terre tourne ses rondeurs atrophiées en direction du Soleil et se fait brûler le fion. Oui, messieurs, dames, le fion, oui. Car le fion, eh bien, c'est comme une maison finalement. Sans toi. Alors casse-toi, fils de merde. Parce que le fils de merde, c'est bien ça le propos. Que ce sale propos-là. Et ce sale propos-là, eh bien, figurez-vous que je le sodomise. Oui, effectivement, je le sodomise. Oui, c'est correct, on peut le dire. En parlant de scotomisation, tu vois ce que je veux dire, moi? Hein? Non? Soit? Ouais? Peut-être, ouais. Mais t'as compris, alors laisse-moi t'expliquer. Tu ne comprendras jamais. Jamais tu ne comprendras l'incompréhensible. L'incompréhensible, c'est de la merde. Je sais, ouais, c'est incroyable, ouais, je sais, ouais, pourtant c'est vrai. L'inconnu, sodomisé, et le mendiant souffrant, selon Allen Ginsberg, eh bien, ça n'existe pas, c'est de la poésie, tu comprends? Tu comprends? finalement, on en a rien à foutre de la vie ou de la mort, c'est pareil, ouais. Finalement, on en a rien à foutre. Finalement, on en a rien à foutre. Finalement, on en a rien à foutre. Finalement, on a rien à foutre. J'encule le monde. J'encule le monde. Thank you. Ouais, c'est clair, ouais. Ouais, c'est clair, ouais. Ouais, c'est clair, ouais. Ouais, c'est clair, ouais. Oh, en fait, non, c'est pas très clair. Ouais, c'est clair, ouais. Oh, en fait, non, c'est pas très clair. Canal Sud, j'espère vous passer une bonne soirée. Canal Sud, j'espère vous passer une bonne soirée. Canal Sud, j'espère vous passer une bonne soirée.

Vous écoutez Canal Sud, Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, eh bien, il est post-22h, vendredi, comme tous les vendredis de 21h à 23h, et nuisance, te vous bien, il est post-22h et donc nuisance, s'encule soi-même. Vendredi, comme tous les vendredis de 21h à 23h, et nuisance, te vous bien, il est post-22h et donc nuisance, poste s'encule soi-même. Vendredi, comme tous les vendredis de 21h à 23h, et nuisance, te vous bien, il est post-22h et donc Nuisance, poste sans cul soi-même. Vendredi, comme tous les vendredis de 21h à 23h, et vous bien sans il est poste 22h et donc nuisance, poste sans cul soi-même. Vendredi, comme tous les vendredis de 21h à 23h, et au passage, vous voyez ce que je veux dire. Nuisance, et donc nuisance, poste sans cul soi-même. Vendredi, comme tous les vendredis de 21h à 23h, et au passage, vous voyez ce que je veux dire. Nuisance, et donc nuisance, poste sans cul soi-même. Vendredi, comme tous les vendredis de 21h à 23h, et au passage, vous voyez ce que je veux dire. Nuisance, et donc nuisance, poste sans cul soi-même. Vendredi, comme tous les vendredis de 21h à 23h, et au passage, vous voyez ce que je veux dire. Nuisance, et donc tous les vendredis de 21h à 23h, et au passage, vous voyez ce que je veux dire. Nuisance, et donc pour moi, la parabole, en ce même temps, Jésus va dire la parole, et la parole, et la Un grand bruit a été entendu dans Rapin. On y a oui des plaintes, et des cris lamentables. Rachel, malade, dans la prison, et ne voulant point recevoir de consolation, et la question de richesse, étouffe dans le secours. Et la robe en tant que nous devons arriver à la vous avez manqué. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé que quiconque un homme mettra en colère contre son frère. Mais lorsqu'il est cru que celui qui les tuera en fait, Raka méritera d'être condamné, de sorte que les oiseaux du ciel ont tout cela, et que celui qui pourra accomplir ce que le roi vous êtes un fou, méritera de voyager au ciel sans la lumière, je s'en souviens. Et elle est là, elle est devant le Père, à qui on donnera les vous réconcilier auparavant avec votre famille. Et puis vous reviendrez offrir votre don. Joseph, accordez-vous plus tôt avec votre adversaire. Pendant que nous allons chemin avec semblable à un trésor, j'ai peur que votre adversaire ne vous livre au juge, un homme trompé, et que le juge ne vous livre au ministre de la justice, à qui et que vous le suivez mis en prison. Il va vendre tout ce qu'il a et achète que vous ne sauvez. Le royaume des cieux, c'est semblable encore à un homme qui est dans le trafic. Cependant, et qui cherche de bonnes terres, vous avez compris qu'il a été dit aux anciens. En ayant trouvé une de grande prix, va vendre tout ce qu'il avait. Moi je vous dis que quiconque aura regardé une femme avec un mauvais désir pour elle a déjà commis l'adultère dans son cœur. Que si votre œil droit les livres des prophètes. Ésaïe, Jérémie, les Lamentations, Ézéchiel, Daniel, les 12 prophètes. La vocation d'Isaïe, livre d'Isaïe, chapitre 6. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône sublime et élevé, le bas de ses vêtements remplissait le temple. Les séraphins étaient autour du trône. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils voilaient leur face, 2 dont ils voilaient leurs pieds, et 2 dont ils volaient. Ils se criaient l'un à l'autre et ils disaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est toute remplie de sa gloire. » Une vierge au-dessus de la porte fut ébranlée par le retentissement d'Isaïe, ce grand chapitre 7, et la maison remplie de fumée. Autant d'Akkaz. Alors je dis, malheur à moi de ce que je me suis d'Ozias, parce que mes lèvres sont impures, et que j'ai assimilé d'un peuple roi de Syrie et aussi les lèvres effacées. Et j'ai vu le roi, le Seigneur des armées de mes propres vins à Jérusalem. Et en même temps, l'un des séraphins vola vers moi, et tenant dans sa main le charbon de feu qu'il avait pris. La maison de David était sec, ayant appris que la Syrie s'était jointe, en ayant touché la Reich pour la plupart. Ce charbon d'Akkaz, le cœur de son peuple, l'iniquité sera effacée, les tremblements seraient purifiés dans les arbres des forêts tremblent. J'entendais ensuite le Seigneur qui dit, qui enverrai-je? Le Seigneur a fondé les paroles d'Isaïe, livre d'Isaïe. Allez au-devant d'Akkaz. Envoyez-moi. Jésus, comme le Seigneur, votre Fils qui vous a soulagé la terre, et vous a canal qui conduit dans la terre, et quittez ce que je vous sur le chemin, la chasse, et ne le comprenez pas. Et dites-lui, voyez ce que je vous dévoirai dans le silence, et ne le craignez pas moins. Et que votre cœur ne le cœur marché dans les ténèbres, rendez ses oreilles de tourment, de colère, fermez les yeux, le jour se levera de peur que ses yeux ne voient, que ses oreilles n'entendent, que son cœur ne comprenne, qu'il se convertit le Seigneur, que je ne le guérisse. Que des saints ne se réjouiront leur Seigneur et venu leur pensée. Comme on se rejoint pendant le roi votre colère. Et comme Seigneur victorieux jusqu'à Akkaz, lorsqu'ils ont que les villes soient demandées au Seigneur sans citoyens, les maisons sans habitants, et que la terre demeure déserte de votre peuple. Le Seigneur bannira les hommes, loin de leur cœur, et chèvera de ce seul qui avait été laissé au milieu de la terre, se multipliant avec un jour. Dieu la décidera encore, et en sortira un jour, elle reviendra au Seigneur, et elle paraîtra dans sa grande face, comme le terrain à l'esprit, comme un chêne sur la science, et en ses bien loin, sagesse et la rage. L'esprit de conseil et de force, car l'esprit de science et de vierge, et il sera rendu de l'esprit de la grande il portera sur son jugera point sur la marque de sa principauté, la gloire d'un sera blessure et l'admirable, mais sorte qu'il s'ajoutera le mal dans la choisir le bien. Et il sera avant que l'enfance s'ajoutera le mal, et recevra le prince de la paix, car voilà que son empire s'étendra de plus en plus, la gloire du Seigneur, et la paix qu'il établira n'aura point de fin, de ses lèvres, et s'assira sur la juste terre, la sainte Jérusalem, et possédera son royaume, enveloppe le lion verra sa gloire avec la nuit. La 14e année, les nations marcheront à l'arrêt de la journée. Et les rois, le lion et la brebis se lèvera d'acier et sont levés vos formes de Judas. Et regardez autour de vous. Tous les envoyés à la sainte Jérémie et l'aviron dans les années à Jérusalem. Bien d'arriver bien loin. Et aussi, bien sur les paroles de la lèvre. Alors, en voyant en chemin encore à la main, serait dans une arbre et bien voici ce que dit le votre cœur s'est There's something about nothing that doesn't bother me much, as in whenever the going on is forever, you know what I mean. Vous voyez ce que je veux dire, c'est comme la première chose qui nous vient à l'esprit, et ça sort d'une onomatopée, d'une création de mots, d'un neuf, quoi, d'un nouveau, quoi, un nouveau quoi, une quoitude, coited. Oh, you're so coy, man. Ouais, t'es quoi? Quoi? Et c'est là la lassitude, la source même du problème, le self-fratricide de soi contre soi, car le surego, on l'encule, ouais. Le surmoi, on n'en veut pas, ouais. Et l'id, on le prend, on le retourne, on l'empale, on le cuit, on le mange, ouais. L'id, on le bouffe comme un kebab frais. Et pendant ce temps, la terre tourne ses rondeurs atrophiantes vers le ciboulot, même que ce que je dis, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et c'est comme ça. C'est comme ça. I still haven't understood what you were talking about, motherfucker. J'ai toujours pas compris ce que tu disais, bâtard. And I would like to know what you're talking about. J'aimerais bien savoir de quoi tu parles. But I don't really give a fuck. Moi, j'en ai plutôt rien à foutre. Alors, va te faire enculer. So go fuck yourself, stupid fuck. Imbécile. Nuisances fucks you in the ass. Nuisances fucks you in the ass. Nuisances fucks you in the ass. Nuisances. Nuisances, nuisance, it's a nuisance, what a goddamn fucking shitty nuisance you are. Nuisances, nuisance, it's a nuisance, what a goddamn fucking shitty nuisance you are. Nuisances, nuisance. It's a nuisance. What a goddamn fucking shitty nuisance you are. Nuisances. Nuisance. It's a nuisance. What a goddamn fucking shitty nuisance you are. Nuisances. Nuisances.

Il y a un an, il disait, mais il y a un an, il disait, Des belles musiques est au rendez-vous ce soir dans Nuisance. Nuisance, l'émission qui ne nuit pas au sens, l'émission de pas toutes les nuisances. Voilà. Bonsoir, vous écoutez Canal Sud 92.2 FM sur la région toulousaine et les alentours et le site www.canalsud.net. Nous écouter est disponible sur le web international blablabla. Oui, je vous assure. Et là, l'émission, donc c'est Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Ce soir, de 21h à 23h, comme la plupart des vendredis, de 21h à 23h, sur cette antenne. Nuisance n'a aucune responsabilité, c'est toute la responsabilité de Canal Sud dans tout ce qui se passe dans Nuisance. C'est leur faute, si je suis comme ça, et que je dis des choses pareilles. Et donc j'aimerais bien qu'on le comprenne, pour une fois dans ma pauvre vie, s'il vous plaît, écoutez-moi. I'm not sure. Bon bah allez vous faire foutre. Je vous emmerde parce que je m'exprime et que c'est une valeur artistique, c'est un concept. Je vous explique. Mais en tout cas, Canal Sud n'est pas responsable de mes actes et de mes discours. Merci, le monde entier. Et Canal Sud, 92.2 FM, www.canalsud.net. Radio libre ou mourir.